monde la connaît dans le jeu. Si t'as pas tes crampons sous l'espèce, c'est dangereux. Interdit au moins de 20 000. Si ton banquier te parle pas, négro, t'es hors jeu. Mademoiselle est sucrée, donc bien évidemment, je suis allé discuter. Noir sont mes idées. Elle se demande mais pourquoi je suis en train d'hésiter. Elle me dit alors, est-ce que t'es prêt pour notre corps à corps? C'est mort. Quoi qu'il arrive, on ne fera qu'un seul corps. Mais je lui dis, j'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. Fait tomber les mafieux, celui qui trouve intouchable, il est audacieux. Écartez tous les types, c'est le genre de femme qui fait prendre ce qu'elle veut. Je crois bien que je l'ai choqué. Mademoiselle n'a pas l'habitude d'être bloquée. Déstabilisée. Quand je refuse, ça lui donne envie de me croquer. Elle dit vraiment, quand tu refuses notre corps à corps, tu mens. Y'a aucun homme qui ne veut pas mon corps. Donc je lui dis, j'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. Jamais de la vie tu m'auras. Quand je serai célibataire, tu le sauras. Pour te remonter le moral, dis-toi qu'il y a toujours plus fort que soi-même. Je te dis bye bye bye. Je m'en vais, ne m'attends pas, bye bye. Je te dis bye bye bye bye. Je m'en vais, ne m'attends pas, bye bye. Jamais de la vie tu m'auras. Quand je serai célibataire, tu le sauras. Pour te remonter le moral, dis-toi qu'il y a toujours plus fort que soi-même. Je te dis bye bye bye bye. Je m'en vais, ne m'attends pas, bye bye bye. Je te dis bye bye bye bye. Je m'en vais, ne m'attends pas, bye bye bye. J'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. Aïe, j'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé.